Habibti. Dans le check-car, dans le noir, ça bibi. Ça veut la zone contrôlée comme les piquets. J'roule un joint, j'fais ma potion, sirop, fruits rouges. Sous Balenciaga, féfé, moula, cuir rouge. J'crois qu'ils veulent m'écouiller ma tête. J'vois qu'ils feraient tout pour m'atteindre. Quand je vise le but, je l'atteins. C'est rien, ça met, c'est un petit bâtard. Les gendarmes, ça fait poursuite en jet ski. Y'a le nord, le sud, réunis, dis-moi en pesky. Chargé gardien civil, on paye en vesky. Pourquoi le temps passe si vite? Faut être vif, vif d'esprit. Ouais, issu des classes sociales les plus basses du coin. Tu comprends quand on tape du poing. Les trois quarts, c'est trois quarts, ne fume que du foin. Faut en faire deux fois plus, bah avant d'en faire moins. Désolé d'être distant, les humains m'ont déçu. Toujours en retrait comme si j'étais décé. Je sais, je me remets facilement d'une blessure, mais j'oublierai jamais celui qui m'a blessé. Non, non, non, non, un bidex. La droite et la gauche partent en vitesse. J'sors du resto en état d'ivresse. Ça boit du ruiner, pas de la Guinness. Toujours en finesse, c'est les pays de l'Est, mental de baiser. Pas de parole adressée, si j't'aime pas, j'te regarde pas, mais force pas à te blesser. Y'a un effet moto juste au-dessus de mon fessier. Ta, ta, ta. Une sacoche et du shit, j'm'en fais un bad note. Notre-Dame, j'ai un scooter de touriste, je pourrais bander jusqu'à Paname. Chicha devant la mer, elle me fait la crise, elle me piste à mort. Elle me demande si j'ai du feu, me dit tu es trop beau, tu as des yeux d'amour. Ouvre, prends-moi les gaz, mets le bénéf dans la grigouze. Appelle deux, trois pétasses, parce qu'ils ont les gros ligouzes. Moi, j'ai pas acheté la Rolex pour la montrer, suce ma patte toute la terre. Le sang chaud, moi, je suis comme toi, je m'en bats les couilles d'être un rappeur. C'est la réalité, ils ont réalisé. Je tiens à deux mains comme un trophée. Comme le champagne, je le fais mousser. C'est pas au même prix qu'on l'a touché. PCS, monnaie dans le ciel. 4x4 avec les feux matriciels. Sur le boulevard, je roule en deuxième. La fumée méditerranéenne. Dans le vaisseau comme un alien. Au début, j'étais alien. Pris le ciel, on tire les ficelles. Ton petit réseau, on le démantèle. Je mouillais mon pouce, je compte le bif. Je suis solide, je tiens la boutique. Seule solution, me donner aux flics. Je fais des spliffs, je fais des drifts. J'ai pas appris à respecter les lois. Je fais une grille devant mon carreau. Rolex au point dans tous les coups comme Ino Ayola. Au-dessus des lois, incognito, je coffre pour le parloir. Rolex au point dans tous les coups comme Ino Ayola. Quand je kick, je boxe à la poumaille. Oh, clean, t'as qu'en faut mailler. Allez, stop tout, fini de racailler. On pète le chiffre, c'est loin du palier. Number one, tu peux pas lier. On fait du bruit jusqu'à Paris. Oh. Marseille, on vise haut. Oh. Reste sur le ticket au fond de l'eau. J'suis à l'exit ou au beau rivage. J'prends la jet 27 avec mes sauvages. Y'a des trucs, mais j'suis marié, n'est pas la rage. J'en place une pour les frérots enfermés en cage. Fin de charbon, j'rentre de mission. J'pense qu'au kiff, c'est le sous. Le 17, c'est jamais le sang. Ah, fais vite, envoie mes sous. C'est qu'alien, t'es la meurtre dans le dos quand j'croise un cogno. Et sur les reins, t'es, ça revend que la bœuf, y'a même des tactiques promo. Jack da, poli, j'y cramé le chrono. Trop chaud, elle bouge le boule sur la sono. Merco, on va pas rentrer, il est trop tôt, c'est costaud. Aujourd'hui j'ai pas dit de gros mots. Bécane, calibre, destin, sali. Fait fait de l'année, Nostra Cosa. Kishta, Tony, classe comme Mani. On va te canner, fais pas le sosa. Cartel, Cali, Marseille, Paris. Si t'as trahi, Rafale, Cala. Elle veut pas de mari, elle veut se marrer. Cocktail carré, soirée, balade. Rafale sur une catin ou sur Vespa. Pose pas de questions, et c'est Kesta. Ouais, j'pars par terre, mais j'suis pas. Partout, Marseille, bébé, partir, j'peux pas. C'est réel, ma ruelle, j'tourne sans phare. J'ai mes rayés, mon compte à caisse des cas. Pas CLM, j't'ai pas reconnu sous le casque. Le petit a pété, les kiss des sur le toit. J'fais plus les fils, ça démarre sans contact. J'fuis plus les flics, j'ai la carte dans le sport bac. Petite brune, j'aime trop son bon teint. Vodka litchi dans la bouteille, j'suis pas trop tweet, oui. 5 piges en requin sur le piwi. Maghrébin, KB9, Hakimi. Elle aime mon flow, mes gimmicks. J'suis pas trop tweet, oui. 5 piges en requin sur le piwi. Maghrébin, KB9, Hakimi. Elle aime mon flow, mes gimmicks. C'est la réalité, ils ont réalisé. En RS maquillé, à la rue mariée. R1, casse-carreille, on fume en fly, davaille, davaille. Box, taille, sans le 9, ça va la gratter toute la night.